إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 20, le cours numéro 20 dans la série des cours de l'explication d'Al-Usul al-Thalatha, et on est arrivé à l'endroit où on explique les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab avec le sharh de Sheikh Zayd al-Madkhali. Il explique lorsque le Sheikh dit wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu, c'est-à-dire il donne la définition du shirk. وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، c'est-à-dire la plus grande chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, c'est le shirk. Et ça consiste à invoquer d'autres que Allah avec lui. D'invoquer d'autres que Allah avec lui. Donc ça, c'est les paroles du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui définit le shirk. Maintenant, on va lire l'explication du Cheikh Zayd. Qu'est-ce qu'il explique à ce sujet-là? Donc le Cheikh Zayd, il dit وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ يُضَافُ إِلَيْهَا وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ لِأَنَّ الْمُشْرِكِ إما أن يتوجه بجميع العبادات لغير الله كالأصنام والأوثان ونحوها من المعبودات الباطلة، وإما أن يجعلها لله ولغير الله، وكأن يدعو الله تارة ويستغيث به ويدعو المخلوق تارة أخرى ويستغيث به، ودعوة المخلوق والاستغاثة به شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، ولا تمحوه إلا التوبة والعمل الصالح. والأدلة التي جاءت تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك، ومن الأدلة التي جاءت تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك، يعني الشيخ سيذكر الأدلة فيما بعد. donc le cheikh il explique que le fait de faire le shirk, c'est d'invoquer d'autres que Allah avec lui, ou bien d'invoquer d'autres que Allah carrément, hein? Donc tu dis par exemple le mushrik, c'est celui qui se tourne vers toute autre chose qui est adorée en dehors d'Allah, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Donc celui qui se tourne vers autre que Allah parmi les choses qui sont adorées par les hommes, comme les idoles. Hein? Et en arabe, le terme pour désigner les idoles, comme on l'a expliqué dans les cours précédents déjà, souvent on utilise le terme asnam. Asnam, c'est le pluriel de sanam. Et on utilise aussi le terme awthan, qui est le pluriel de wathan. Et al-asnam, c'est al-awthan et al-asnam, les deux sont semblables, c'est des idoles. Sauf que al-asnam, en général, c'est des choses qui sont. C'est des idoles qui sont sculptées dans une forme spéciale comme animal ou humaine. On les appelle asnam, des idoles. Et l'awthan, c'est plus général. Parce que ça comprend même des choses qui sont adorées, mais qui ne sont pas nécessairement sculptées dans une forme quelconque. Ça peut être une roche qui est quelque part, un arbre, hein, qui est là, Et les mouchrikoun, quand ils ont vu l'arbre, ils ont vu qu'ils l'ont trouvé grand, ils l'ont trouvé beau, donc ils ont cru qu'il avait quelque chose de miraculeux ou de spécial, alors ils ont dit, on va l'adorer, hein, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples. Sinon, il y en a qui adorent des grottes ou qui adorent des endroits spécifiques. Tout ça, c'est des idoles, hein, awthan. On les appelle awthan parce que c'est pas nécessairement sculpté dans une forme spécifique, hein. Mais ça rentre dans l'idolâtrie aussi, ou dans le shirk quand même. Et il dit, وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَةِ. Et c'est pas nécessaire que ce soit une idole nécessairement, dans le sens une statue ou une roche, ou une sculpture, ou quelque chose de spécifique comme inerte. Ça peut, une idole peut aussi être même un être humain, vivant. Si quelqu'un l'adore, ça devient une idole. Hein? Donc, par exemple, il y en a des gens qui pensent que l'adoration qui est shirk, c'est seulement si tu adores une statue ou une idole, que tu te prosternes devant l'idole qui est un objet inerte. Mais que si c'est un être humain vivant, c'est pas grave. Non, même un être humain vivant comme un prophète ou un homme pieux, ça rentre dans le shirk. Si tu l'adores en dehors d'Allah, ça rentre dans l'idolâtrie aussi. Hein? Ou un prophète comme Jésus, ça aussi ça rentre dans l'idolâtrie. C'est pas obligé que ce soit une forme spéciale ou une idole. Juste en rentrant, je regardais dans le couloir, et juste au bout du couloir là-bas, il y a un hôtel, hein, des bouddhistes. Souvent c'est les Vietnamiens qui ont ce genre de genre d'hôtel là, et ils ont mis ça par terre. Et c'est pour ils mettent leur statue ou leur idole là, puis ils mettent un lampion, une bougie ou des choses comme ça. Ça c'est comme ça qu'ils font leurs adorations pour les idoles. Ils font ce genre de choses là. Donc ça c'est un exemple, hein, d'idole. Hein, Allah al-Musta'an. Donc tout ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit soit que les gens donc ils adorent Allah puis d'autres que Allah en même temps, comme par exemple des fois ils adorent Allah, des fois ils invoquent Allah quand ils ont un malheur ou une détresse, un moment de détresse, un danger qui arrive, quelque chose de grave, là tout d'un coup ils appellent Allah au secours, hein. Donc ça, ils font ça, mais après aussi ils vont adorer des statues ou des créatures ou des choses autres que Allah. Hein? Et il y en a d'autres qu'ils font qu'adorer autre que Allah tout le temps. Ils n'adorent pas Allah du tout. Donc les deux c'est des mouchrikoun, et celui qui invoque autre que Allah, peu importe, yani que ce soit avec Allah ou que ce soit qu'il invoque autre que Allah en dehors d'Allah complètement ou tout le temps, les deux c'est du shirk majeur qui font sortir quelqu'un de la religion de l'islam, ou lorsqu'ils les appellent au secours ou quand ils crient leur nom. Et il y a des gens parmi les gens qui se disent musulmans, hein, ou qui pensent qu'ils sont musulmans, ou bien qui sont musulmans mais qu'ils n'ont rien su de l'islam, et ils ont grandi dans des montagnes ou dans la brousse ou dans les villages, ils n'ont jamais entendu parler du tawhid, des enseignements corrects de l'islam. Eh bien, vous allez trouver parmi ces gens-là qui vont, quand ils ont un malheur, ils vont appeler un cheikh. Ils l'appellent au secours, hein, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples d'istirata qui sont formes de shirk majeur. Et pour se repentir du shirk, il faut faire tawbah. Pour que Allah te pardonne le shirk, il faut que tu te repentes d'une repentance sincère et que tu fasses les bonnes œuvres qui suivent. C'est-à-dire que tu rejettes le shirk dans tes actions par la suite et que tu continues sur la foi et sur le tawhid jusqu'à ta mort. Hein, et que tu meurs sur le tawhid. Donc c'est ça l'important. Et il y a beaucoup de preuves qui ordonnent le tawhid et qui avertissent contre le shirk. On en a cité au dernier cours. Le shaykh, il en mentionne d'autres. Il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et ça, c'est les paroles du shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est-à-dire, adorez Allah et n'associez rien avec lui. Ne faites pas de shirk avec lui. Et ici, il dit spécifiquement, c'est-à-dire, il dit, n'adorez pas quoi que ce soit en dehors d'Allah et n'associez rien en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Shay'a, Parce que shay'a, c'est nakira. Hein, ça veut dire que c'est quelque chose qui est indéfini. Hein, indéfini. Indéfini, ça veut dire peu importe la chose. C'est pas une chose spécifique. N'adorez pas cette chose-là en dehors d'Allah seulement. Non. C'est peu importe quelle que soit la chose. Shay'an. Hein? Voilà, tushriku bihi shay'an. Ça veut dire peu importe, n'importe quelle chose, vous ne l'associez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Sheikh, il explique ça maintenant. Sheikh Zayd, il explique ça. Il dit, قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَمْرٌ بِالْعِبَادَةِ وَنَهْيٌ عَنِ الشِّرْكِ إِذْ لَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ إلا بالبراءة من الشرك وهي قاعدة أوضحها القرآن في مواضع متعددة من هذا ومنها هذا الموضع. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit adorer Allah et n'associer rien avec lui, ne faites pas le shirk avec lui, c'est l'ordre d'adorer Allah et de ne rien associer avec lui. C'est donc l'ordre d'adorer Allah et l'interdiction d'associer avec lui. Parce que tu ne peux pas établir l'unicité d'Allah sans te désavouer du shirk. Il faut que les deux soient ensemble. Et c'est ça que j'ai expliqué au dernier cours. Allah ne t'ordonne pas seulement de croire en lui. Parce que si tu dis juste « je crois en Allah », ça c'est juste la moitié de ce qui est obligatoire. Et c'est pas complet. Il faut aussi que tu dises et je renie tout ce qui est adoré en dehors de lui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est pour ça que le tawhid, même dans le témoignage qu'on fait quand on dit la ilaha illallah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Hassan, ça va? Inch'Allah, ça fait longtemps, ça me fait plaisir de te revoir, inch'Allah. Et mashallah. Donc, même quand on dit « La ilaha illallah », il y a deux parties à « La ilaha illallah ». Il y a « La ilaha », la première partie, « La ilaha illallah ».« La ilaha », là en arabe, ça veut dire « non hein, ». C'est la négation. Tu dis « non, il n'y a pas ».« Illallah ».« Illa », c'est une exception pour dire « il n'y a que Allah ». Il n'y a rien excepté Allah. Donc, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Il y a la négation suivi de l'affirmation. Négation, affirmation. Toujours dans le tawhid, il y a toujours la négation, l'affirmation. S'il n'y a pas les deux, ça ne marche pas. Tu ne peux pas juste faire l'affirmation. Tu dis je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. Et tu ne peux pas nier. Parce que la négation, c'est le kufr, c'est la mécréance. Si tu nies tout, c'est la mécréance. Donc tu nies tout ce qui est faux, mais tu affirmes seulement ce qui est vrai. C'est-à-dire l'adoration d'Allah seul. Donc, on appelle ça al-bara'a. Al-bara'a min ash-shirk. Le fait de se désavouer. Donc, ce n'est pas juste de dire je ne fais pas le shirk. Puis en même temps, tu vois les autres le faire, puis tu l'acceptes. Ou tu dis c'est correct, qu'est-ce qu'ils font, ils ont le droit de le faire. Non. Tu dois t'en désavouer pour toi-même et renier ce que les autres font comme shirk également. Sinon, tu ne t'es pas désavoué du shirk entièrement. Donc, ce n'est pas juste de ne pas l'approuver pour toi-même, mais c'est de le renier de façon générale et totale et complète dans toutes ses manifestations, peu importe où est-ce qu'elles se manifestent. Et peu importe chez qui elles se manifestent. Et également de te désavouer de ceux qui le font. Hein? De dire que je n'ai rien à voir avec eux. Hein? C'est comme par exemple, comment je pourrais te dire, si tu entends que quelqu'un est responsable de quelque chose de très grave, très laid, un crime. Hein? Alors, est-ce que toi, tu veux que les gens sachent que toi, tu as une relation avec ces gens-là ou que tu as un lien avec cette action-là? Non. Automatiquement, tu ne veux rien avoir avec eux, tu te désavoues. Tu dis, moi, je suis innocent de ces gens-là, je n'ai rien à voir avec eux. Hein? Parce que tu sais que c'est quelque chose de mauvais. Eh bien, le shirk, c'est la même chose. Tu dis, le shirk, je ne veux rien avoir avec. Ça là c'est quelque chose, je veux pas qu'on m'associe avec le shirk de loin ou de près. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ah ok, il n'y a pas de problème. Ok d'accord, ah, ok parfait. Anakallah fi. Oui, samedi après Asr inshallah. Barakallahu fiq Hassan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, donc Donc, tu veux rien avoir avec ça. Et même ceux qui ont un lien avec le shirk, même avec eux, tu veux rien avoir, tu veux rien savoir d'eux. Hein? Et si on applique ça comme il faut, ça veut dire qu'on ne veut même pas côtoyer les gens du shirk. Et on ne veut même pas être proche d'eux. On ne veut même pas vivre près d'eux. On ne veut même pas habiter dans leur pays. C'est à quel point ça va loin, Yanni. Hein? Mais aujourd'hui, on est loin de ça parce qu'on n'a pas compris le tawhid comme il faut. Et on n'a pas compris sa signification. Et c'est pour ça qu'on ne se désavoue pas comme il faut, ou complètement ou entièrement, du shirk et des gens du shirk. On le fait à moitié, hein, ou on ne le fait pas complètement à fond, comme ça devrait l'être fait. Et dans ces questions-là, il y a la perfection, l'idéal, le parfait, puis il y a qu'est-ce qui diminue la perfection, qui n'est pas correcte, mais qui est quand même pas rentré dans la limite de ce qui est, disons, critique, qui va te faire sortir de l'islam. Donc, entre les deux, il y a un écart, tu vois. Entre qu'est-ce qui est parfait, puis qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam, il y a un écart entre les deux. C'est pas que, automatiquement, tu fais pas qu'est-ce qui est parfait dans l'islam que tu sors de la religion, non. Il y a un écart entre les deux, qu'il y a des choses que tu fais, ça peut être interdit, ça peut, par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec le fait de se désavouer des mouchriquines, le fait que, par exemple, nous, on vit chez les mouchriquines, hein, chez les koufars, dans leur pays. Est-ce que ça veut dire qu'on est des koufars et des mouchriquines, nous aussi? Hein? Non. Puisque du moment qu'on se désavoue nous-mêmes du shirk et du kufr et des mouchriquines et des koufars, et qu'on dit on n'a rien à voir avec eux et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils croient par rapport à Allah et par rapport à la religion, on se désavoue d'eux sur ce sens-là. Et on ne participe pas avec eux dans qu'est-ce qu'ils font, et on croit en Allah, on affirme notre foi en Allah et en le tawhid, et on se désavoue du shirk et des mouchriquines et de tout ce qui est relié au shirk, mais en même temps, le fait de côtoyer, de vivre dans le système des mouchriquines, c'est sûr que ça nous donne une part du péché. Et qu'on partage dans ce péché-là, c'est certain. Sauf que c'est pas arrivé au degré que tu sors de la religion à cause de ça. Mais si tu es d'accord avec toi, dans ton cœur, tu es d'accord avec ça, qu'est-ce qu'ils font et comment ils pratiquent leur shirk, là, tu sors de la religion parce que dans ton cœur, tu l'as accepté et tu as agréé de ça. Donc là, c'est rendu à un point où tu t'es pas désavoué du shirk et des mouchriquines comme il faut. D'accord? Donc tout ça là, c'est très important à comprendre et on va essayer de l'expliquer, de le clarifier au fur et à mesure qu'on avance. Donc, le cheikh dit « وَهِيَ قَاعِدَةٌ أَوْضَحَهَا الْقُرْآنِ » Donc c'est une règle. Ça là, le cheikh dit « c'est une قَاعِدَة » C'est une règle que le Coran a mentionnée dans plusieurs endroits dans le Coran, plusieurs places. Le fait qu'on doit se désavouer du shirk et des mouchriquins et que c'est ça le tawhid, d'affirmer la foi et de se désavouer de ça. حيث أمر بتوحيده ولم يقتصر على الأمر بالتوحيد بل أردفه بالنهي عن الشرك. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne pas seulement de croire en lui dans le Coran et d'établir son tawhid, il rajoute toujours à ça le fait d'interdire le shirk avec. Donc c'est toujours relié ensemble. فَقَدْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ مُوَحِّدًا وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِهَا مُشْرِكًا وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مُوَحِّدًا وَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مُشْرِكًا. Donc le shaykh il dit c'est possible que quelqu'un soit dans certaines adorations il soit sur le tawhid et il n'associe rien avec Allah, mais dans d'autres adorations il associe avec Allah, il fait du shirk, c'est grave, hein? Ou bien parfois quelqu'un il est parfois sur le tawhid et dans d'autres moments dans la journée ou dans la vie il fait le shirk, hein? Comme par exemple à l'époque, comme le cheikh va le mentionner, à l'époque quand ils étaient en danger ils appelaient Allah seulement, ils font pas le shirk. Mais quand ils sont sur la terre ferme, en sécurité, tout va bien, là ils adorent les idoles. Tu vois? Donc à des moments ils font le tawhid, à d'autres moments ils font le shirk. Mais le musulman il doit faire le tawhid tout le temps et s'éloigner du shirk et ne pas le faire à chaque instant. Et se désavouer du shirk à tout moment. Donc le cheikh il dit na'am fi ba'd al-awqat mushrikan wa amara Allah azza wa jalla bi tahqiq at-tawhid mutlaqan bi sifatin da'ima wa bil nahy 'an al-ishrak billah azza wa jalla da'iman wa bi sifatin mustamirratin mada al-hayat al-amal. Donc le cheikh il dit ici Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous ordonne d'établir le tawhid de façon absolue et de façon permanente et continuelle. Pas que tu fais tawhid des fois et après tu fais le shirk des fois. Tawhid, shirk, tawhid, shirk. Non. Tout le temps le tawhid, continuellement. Hein? C'est pas une fois t'adores Allah, une fois t'adores Jésus, une fois t'adores Marie, une fois t'adores Allah, une fois t'adores. Hein? Non. Tout le temps, seulement Allah, seulement. Pas d'autre que Allah. Pas le prophète un jour, l'ange un jour. Hein? Une fois je revenais d'Afrique, puis il y avait des groupes de chrétiens qui rentraient dans l'avion. Hein, je revenais, j'étais en Afrique, j'étais allé au Mali, en Côte d'Ivoire. En retournant de la Côte d'Ivoire, je retournais en France. Dans l'avion, il y avait des groupes de chrétiens, ils s'en allaient en Europe pour faire des pèlerinages à des lieux où il y a des saints en Europe, Allah musta'an. Hein? Et puis, il y avait une femme qui avait un livre. Sur son livre, c'était écrit « Prière aux anges ». Comment prier aux anges ? Yani, j'étais étonné de voir des choses comme ça. Ces gens-là, ils prient les anges. Yani, au lieu de prier Allah, ils disent, c'est Allah qui contrôle les anges. Si tu veux qu'un ange te protège, tu ne demandes pas à l'ange. Tu demandes à Allah pour que Allah te protège et Allah va envoyer quelques anges pour te protéger ou des choses comme ça. Ou bien, hein, il va faire qu'il y a des causes qui vont venir pour te protéger. Mais c'est pas que toi tu vas demander aux anges, parce que tu les vois pas les anges, et eux ils peuvent pas t'écouter ou t'obéir. C'est à Allah seulement qu'ils obéissent et qu'ils écoutent ses commandements et ses ordres. Donc demande à celui qui contrôle tout et qui a le pouvoir sur tout et non pas aux créatures. Na'am. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit ولهذا عاب الله عز وجل على المشركين الذين كانوا إذا نزلت بهم الخطوب وحل بهم الضيق أخلصوا في الدعاء لله عز وجل فإذا كانوا في أمن واستقرار ورخاء توجهوا بالعبادات إلى معبوداتهم الباطلة ذمهم الله تبارك وتعالى وسجل هذا الذم في القرآن حيث قال عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé justement les mushrikin parce que lorsque un malheur tombait sur eux, lorsqu'ils avaient une détresse ou un moment de difficulté, là, tout d'un coup, ils adoraient seulement Allah. Et ils faisaient seulement des invocations à Allah seul. Et même des fois, tu vois des koufars, des gens, des athées, par exemple, des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Allah ou qui prétendent pas croire en Allah. Et quand il y a un accident ou un malheur ou quelque chose, tout d'un coup, « Oh mon Dieu, sauve-moi !» Hein? Alors qu'en général, ils ne croient pas en Allah, ils ne veulent pas admettre qu'ils croient en Allah. Mais là, il y a un grand danger, quelque chose. Leur vie est en danger. Ils ont eu peur pour leur vie. Là, tout d'un coup, ils se sont rappelés qu'il y a Allah qui existe. Donc, c'est ça la même chose. Hein? Mais quand tout va bien, il retourne à l'indifférence et à l'insouciance. Et il agit comme si Allah n'existait pas. Et il fait comme si Allah n'existait pas, comme s'il n'allait pas mourir, comme s'il n'allait pas avoir un jugement dernier, comme s'il n'y avait pas d'enfer ou de paradis. Hein? Donc, ça, c'est le malheur. Donc, ces mushrikoun, c'est la même chose. Quand tout va bien, yani, quand ils sont en aisance et quand ils ont de la sécurité, tout est calme, là ils se retournent à l'idolâtrie et à leur fausse divinité et ils adorent ces choses-là en dehors d'Allah. Allah les a blâmés dans le Coran et il a enregistré ce blâme dans le Coran lorsqu'il dit dans le verset 65, Surat al-Ankabut, il dit, et lorsqu'ils montent dans le bateau, hein, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. C'est-à-dire, ils adorent que Allah. Et ils ne font pas de shirk. hein, en purifiant pour Allah leur religion. Puis, lorsque Allah les a sauvés et les a ramenés sur la terre ferme, les voilà qui commencent à faire le shirk encore et qui retournent à l'idolâtrie encore. Hein? Donc, le Cheikh dit, « Izan, min al-khatar ala l'ummat al-islamiyya an yaghfalou min an rabbihim fi hal al-ni'mati wal-yusr wal-rakha'i wal-amn wal-sihha إلى غير ذلك من أصناف النعم حتى إذا نزلت بهم الشدائد أثبلت قلوبهم وألسنتهم بالدعاء والاستغاثة وطلب كشف الضر فإذا كشف الله عنهم الضر عادوا إلى ما كانوا عليه من الغفلة والتثاقل عن أداء الفرائض والواجبات والاقتحام في المعاصي والسيئات وهو أمر مهم يجب التنبيه عليه. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est donc un danger pour la Ummah de l'Islam, la nation musulmane, d'être insouciant par rapport à leur Seigneur, par rapport à leur Maître, leur Créateur. Lorsqu'ils sont dans des états de grâce et que tout est facile et qu'ils ont de l'aisance et la bonne santé, tout va bien, hein, et d'autres grâces également, donc là, yani, pas de problème, ils oublient Allah, ils n'adorent pas Allah. Ils ne prient pas à Allah, ils font les péchés, ils désobéissent à Allah, et ainsi de suite. Puis, un malheur tombe sur eux, les désastres tombent sur eux, les calamités tombent sur eux, la maladie, la mort, d'autres problèmes, pas d'argent, pas de nourriture, hein? Ils oublient Allah. Là, tout d'un coup, ils commencent à reconnaître que Allah existe. Là, ils se souviennent d'Allah. Là, ils commencent à prier beaucoup. Là, ils commencent à faire beaucoup de dua. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a délivrés et leur a redonné la bonne situation encore une fois, eh bien, ils retournent à leur insouciance et à leur indifférence et à leur négligence des adorations. Et le fait de trouver la paresse dans l'établissement des obligations et le fait de courir vers les interdictions et les péchés et les choses de ce genre. Donc ça, le cheikh dit que c'est une chose très importante à noter pour pas que on tombe dans ce genre d'insouciance ou d'indifférence là. Il dit ouais. إذ ما من أحد إلا ويبتلى بهذه الغفلة وإذا نزل به شيء إذا نزل به شيء من الشدائد والكروب لجأ إلى الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لجأ إلى الله تبارك وتعالى راغبا وراهبا. Donc le cheikh explique, il dit donc lorsque l'un d'entre nous est frappé ou touché par de l'insouciance dans sa religion, il commence à devenir indifférent ou insouciant, paresseux, faible, hein, eh bien, il doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts pour se réveiller. Et lorsqu'un malheur le touche, il se tourne vers Allah avec amour, hein, et avec crainte. Et ça doit être tout le temps sa situation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Abdullah ibn Abbas lorsqu'il l'a amené avec lui, derrière lui, dans son âne. Abdullah ibn Abbas était un jeune garçon. Peut-être qu'il avait 9 ans. Hein? Allahu a'lam, peut-être même moins que ça. Il était très jeune, Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, « Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin fahfazha. » Il lui a dit, « Ihfazillah yahfazik. » احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. Donc il a dit rappelle-toi d'Allah et préserve les règlements d'Allah, Allah va te préserver, hein? Et préserve les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. تجده امامك تجده تجاهك. Et il lui a dit après تعرف الى الله في الرخاء. Hein, apprends à connaître Allah dans l'aisance, dans la facilité. Dans les moments de difficulté, il va te connaître, il va se souvenir de toi, il va t'aider. Hein? C'est comme, même dans les êtres humains, même parmi les êtres humains, si tu as un ami, tu l'appelles juste quand il y a un problème, quand tu as besoin de quelque chose, tu l'appelles. Quand tout va bien, tu l'oublies, tu l'appelles jamais. Est-ce que ça, tu vas dire, ça c'est un bon ami, ça c'est quelqu'un correct? Non. Je dis, mais toi, tu m'appelles seulement quand tu as besoin de quelque chose, mais quand tu n'as pas besoin de moi, quand tu n'as pas besoin de rien, tu ne m'appelles jamais. Hein? Tu ne me connais pas dans ce temps-là. Mais quand tu as un problème, là, tu me connais. Eh bien, si ce n'est pas bon d'agir comme ça avec un être humain ou une personne que tu connais, imagine avec Allah, le créateur des cieux et de la terre, le maître de l'univers, c'est encore plus grave. Hein? Que tu agisses comme ça avec ton créateur, celui qui t'a créé, qui t'a donné toutes les grâces. Donc, tu ne dois pas agir de cette manière-là avec ton créateur, au contraire. Tu dois te rappeler de lui dans les moments d'aisance, pour que lorsque tu as des problèmes, là, il va se souvenir de toi dans ces moments-là, il va t'aider. Hein? Donc, c'est ça qui est très important. Et il dit donc, summa ba'da dhalika, il y a un point aussi que le chef il n'a pas mentionné ici, mais c'est que quand on voit les mushrikoun que Allah mentionne, que Allah a décrit dans le verset, lorsqu'ils vont sur la mer en bateau, des choses comme ça, ils invoquent Allah seul, puis quand ils retournent sur la terre ferme, là ils oublient Allah. Et souvent, comme le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné dans Kashf al-Shubuhat, un autre livre qu'il a écrit, il dit, à notre époque, et même aussi dans Al-Qawa'id al-Arba'a, il mentionne ce point-là, et même que c'est un des quatre points qu'il mentionne, une des quatre règles. Il dit qu'à notre époque, les mushrikoun sont plus égarés qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens faisaient le shirk. Parce qu'eux faisaient le shirk uniquement dans les moments d'aisance, mais dans les moments de difficulté, ils ne faisaient pas le shirk. Tandis que les gens à notre époque, c'est surtout dans les moments de difficulté qu'ils font le shirk, et dans les moments d'aisance, ils font le shirk aussi. Hein? Comme par exemple, pour vous donner un exemple aussi, il y a un soufi qui s'appelle Al-Hajj, Omar Fouta, Al-Fouti. Al-Hajj Omar Fouti, Al-Fouti. C'est un soufi qui était de la Tariqa Tijaniya. Il a étudié la Tariqa Tijani avec un des ceux qui ont pris la Tariqa Tijani d'Ahmed Tijan directement, quand il était à Médine ou à la Mecque, en tout cas, en Arabie, disons, dans la péninsule arabe. Et il est revenu en Afrique de l'Ouest. Hein, il vient du Fouta, le Fouta c'est le nord du Sénégal. Hein, il vient de cette région-là, il est revenu avec la Tariqa Tijaniya. Et il a commencé à propager ça et à combattre toutes les autres Turuq Soufiyah. Donc c'était des Soufis qui se combattaient entre eux parce qu'ils veulent que leur Tariqa, leur secte, prenne le dessus sur les autres. Et un moment dans son livre, il a écrit un livre, et dans son livre, il y a plein de bid'ah, de shirk et autres. Mais dans qu'est-ce qu'il dit dans un endroit, il a parlé avec une femme. Et la femme, quand elle avait un malheur, elle appelait Abdul Qadir al-Jilani. Parce qu'elle fait partie de la tariqa al-Qadiriya. Hein? Donc elle, quand elle a un malheur, elle appelle Abdul Qadir al-Jilani. Ya Abdul Qadir, arrête-ni. Kada, kada. Elle invoque Abdul Qadir pour la sauver. Il lui a dit, si tu veux être sauvé, quand tu as un malheur, au lieu d'appeler Abdul Qadir Jilani, appelle Ahmed Tijan. Et là, elle raconte dans l'histoire, la femme, elle a eu un danger, elle a crié le nom d'Ahmed Tijan, et là, elle a été sauvée à ce moment-là. Et il y en a d'autres qui vont dire, elle a vu l'aile d'un ange qui est venu, qui l'a protégée, ou des trucs comme ça. Il y en a des khurafats, il y en a des histoires comme ça, des histoires que ces gens-là inventent, ou raconte pour attirer les gens, pour les faire tomber dans le shirk. Hein? Et c'est pour dire que les mushrikoun, dans les moments de détresse, ils faisaient pas le shirk, ils adoraient juste Allah, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ceux qui adoraient Allat, Wal-Uzza, Wal-Manat, et toutes les autres idoles. Hein? Ils avaient 360 idoles autour de la Kaaba. Hein? Et quand ils avaient des malheurs, des dangers, ils adoraient Allah seul, ils oubliaient leurs idoles. Mais quand tout allait bien, là, il retournait à l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plus grave. les gens dans les moments de difficulté, hein, là ils font le shirk, et dans les moments d'aisance ils font le shirk. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit que ces gens-là, leur shirk aujourd'hui est plus grave que le shirk des mouchriquines de l'époque, hein, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est des gens qui se disent musulmans, et c'est des gens qui se prétendent musulmans et qui font la prière 5 fois par jour et qui font le jeûne du ramadan et qui font le hajj, et qui ne savent même pas que le fait de commettre ces actes de shirk là, ça annule complètement leurs œuvres et ça les fait sortir même de la religion musulmane. Donc la nécessité dans ce cas-là, c'est de faire la da'wa et d'appeler ces gens-là au tawhid et de leur enseigner le tawhid à nouveau, hein, pour qu'ils comprennent l'islam comme il faut. Parce qu'il y a des fois des gens qui te posent des questions sur l'islam par rapport à des choses qui sont pas fondamentales, alors que des choses de base, ils les négligent. Hein. Je me rappelle, et je l'ai déjà mentionné dans un autre cours une fois, mais il y a une fois, quand j'étais imam à l'autre mosquée, il y a une femme qui est venue pour me dire, ah, moi j'ai un problème avec quelqu'un dans ma famille, il y a une des filles de ma famille, une de mes cousines, elle veut se marier avec un chrétien. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des versets clairs dans le Coran qui mentionnent qu'une femme musulmane, elle n'a pas le droit de marier autre qu'un musulman. Elle n'a pas le droit de marier un mouchrik ou un kafir ou autre, un musulman, même un chrétien ou un juif. La femme, elle n'a pas le droit. Un homme musulman, il a le droit de marier une juive ou une chrétienne. Pas une bouddhiste, une hindoue, une athée ou autre. Ça, c'est interdit pour le musulman. Mais il a le droit de marier une juive chaste et une chrétienne chaste. Avec des conditions, bien entendu, hein, mais pas la femme musulmane. La femme musulmane, elle n'a pas le droit de marier un juif ou un chrétien. Elle est obligée de marier qu'un musulman seulement. Donc, elle m'a dit, est-ce que c'est possible que je l'amène pour qu'elle vous parle ou que vous lui parliez pour qu'elle change d'idée, peut-être qu'elle ne va pas se marier avec ce chrétien-là. Et elle est venue pour que je lui parle à la mosquée. Subhanallah. Et sa cousine, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais il y a des musulmans que, comme le gars que je veux marier là, c'est un chrétien, mais il fume pas, il boit pas, il ment pas, il fait pas ci, il fait pas ça. Il est très gentil, très honnête. Et il y a des musulmans, elle dit, il y a des hommes musulmans dans mon pays d'origine. Eux, ils font même pas les choses que cet homme-là fait. Alors que lui, c'est un chrétien. J'ai dit, cette personne-là, cette personne-là qui vient là, c'est comme si la famille de cette fille-là, ils ont seulement réalisé le danger de la situation lorsqu'il était trop tard. C'est-à-dire lorsque la fille est déjà prête à sauter dans la plus grave erreur de sa vie. Et c'est pas à cet âge-là et à ce moment-là que tu ramènes la personne pour parler avec un imam, pour lui faire comprendre. Parce que si elle n'arrive pas à comprendre le shirk du christianisme et le danger de l'égarement de ces gens-là, ça veut dire que même la base de la religion, elle ne la comprend même pas. Elle n'a même pas apprise. Donc, avant que tu arrives à ce point-là, il y a des choses à faire. C'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. Il faut leur enseigner les choses comme il faut. Depuis leur jeune âge, pour que par la suite ils soient sur une base solide, ils vont comprendre ces détails de base de la religion. Mais si tu les laisses sans leur expliquer le tawhid, sans leur expliquer le fondement de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, puis que là ils arrivent à 20 ans, 25 ans, et là tout d'un coup tu dis, ah, il y a un problème. Et là tu les amènes à l'imam pour que l'imam les leur parle. Adib. Yani, subhanallah, tu veux faire un travail de 20 ans en 20 minutes? Ajib, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tes enfants, là, et ça, je l'ai souvent dit aux gens, yani, quand vous venez ici, vous mettez votre religion en péril et en danger. Et vous amenez vos enfants avec vous, vous n'avez même pas de protection par rapport à la science, par rapport à la religion, vous n'avez pas de protection. Parce que vous n'avez pas étudié les bases de votre islam. Et vous amenez vos enfants dans ce milieu-là, vous les envoyez à l'école avec des mouchriquines et des koufars et des athées. qui sont remplis de shubuhat, et même des fois les profs dans ces écoles-là, parce que moi je sais, j'ai grandi dans ces écoles, les profs eux-mêmes sont des athées, et ils aiment ça se moquer de la religion en général, pas juste de l'islam, mais de l'islam et des autres religions. Donc ils passent leur temps à envoyer des flèches aux élèves qui ont la foi en une religion, et en particulier si c'est des musulmans, commencer à se moquer. Hein, à se moquer de la religion, à se moquer de Dieu, à se moquer des prophètes, à se moquer des livres devant les élèves. Puis là les élèves rient, tout le monde rit dans la classe, parce que la plupart c'est des koufars et des mouchriquines, ils croient même pas, même ceux qui sont supposés d'être soi-disant chrétiens parce qu'ils sont nés dans, baptisés chrétiens dans le christianisme, même eux, la plupart d'entre eux, tu peux pas faire la différence entre eux puis un athée, parce que la plupart sont comme des gens qui ne croient pas vraiment en Dieu. Donc pour eux, se moquer de la religion, se moquer de Dieu ou se moquer des prophètes, c'est la moindre des choses. C'est même pas grave pour eux, c'est même pas un problème pour eux. Tandis que pour un musulman, de se moquer d'un prophète, c'est kofr. De se moquer d'Allah, c'est kofr. De se moquer de la religion, c'est kofr. Ça te fait sortir de la foi. Si tu meurs comme après ça, sans te repentir sincèrement, tu vas dans l'enfer pour l'éternité, ça c'est certain, tu vas pas sortir. Et eux, même de l'enfer, ils s'en moquent. Ils font une blague de l'enfer. Ils font une blague même avec le paradis. Ils pensent que c'est des histoires. Donc avec des gens comme ça, toi tu envoies tes enfants avec eux. Qu'est-ce que tu espères qu'ils vont devenir? Et comment tu penses que tout d'un coup, après qu'ils sont déjà devenus adolescents, ou passés même parfois l'adolescence, là tu vas commencer à leur faire des cours pour leur apprendre. Si ça ne vient pas d'eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Si ça ne vient pas d'eux-mêmes, ils ne vont pas vouloir le faire. Il faut que déjà ils aient le désir de vouloir faire ça. Donc ça c'est pour faire, juste pour faire comprendre le danger de ça. Après le cheikh il dit ثم بعد ذلك ابتدى المصنف في الشرح والتفصيل للأصول والأسس التي يجب على كل إنسان من ذكر وأنثى أن يعرفها وأن يطبقها علما وعملا ودعوة وصبرا فذكر أنها ثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, puis par la suite l'auteur cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir expliqué les trois points qu'on a mentionnés dans l'introduction depuis le début, dans al-usul al-thalatha il y a quatre parties en fait, il y a quatre parties, et la dernière partie c'est celle qu'on commence maintenant, al-usul al-thalatha. Disons les trois premiers qui sont depuis le début jusqu'à maintenant, c'était une intro seulement, c'était trois points, trois parties qui sont une introduction au livre qu'on étudie. C'est maintenant qu'on commence le livre qu'on appelle les trois fondements, c'est maintenant que ça commence, vous voyez. Donc on va dire que le livre il a disons 200 pages environ. Bon, pour les trois premières parties du livre, on est arrivé à la page, disons, 80, à peu près, 80 pages. Donc, on n'a même pas encore commencé le livre, rentré dans le sujet après 80 pages. Parce que c'était une introduction des points importants qui ont rapport avec les fondements de la foi, de la religion. Là, maintenant, on commence à rentrer dans le livre qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, et dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est des points qu'on doit connaître et qu'on doit appliquer, et auxquels on doit inviter les gens, et sur lesquels on doit être endurant et patient. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que ces trois fondements-là sont les trois suivants. De connaître son Seigneur, c'est-à-dire tu dois connaître ton Créateur, ton Maître, Allah, c'est qui. Deuxièmement, tu dois connaître sa religion. C'est quoi sa religion? Et quand on dit sa religion, ça veut dire c'est qu'est-ce que tu dois faire envers lui? C'est quoi ses ordres? C'est quoi ses interdictions? C'est quoi qu'il t'a demandé de faire comme adoration? C'est ça la religion en fait. Et pour ça, des fois les koufars ils disent t'as pas besoin d'une religion pour être pieux, ou t'as pas besoin d'une religion pour être bon, ou t'as pas besoin d'une religion pour croire en Dieu, ou t'as pas besoin d'une religion pour adorer Dieu. Ça c'est parce qu'ils savent pas le mot religion, qu'est-ce que ça veut dire. Dans l'islam, ad-din, la religion, c'est qu'est-ce que tu dois faire envers ton Créateur. Et tu as besoin d'une religion, pourquoi? Parce que tu peux pas adorer Dieu comme toi tu veux et faire qu'est-ce que toi tu veux pour que Dieu soit satisfait de toi. Pour que Dieu soit satisfait de toi, tu dois faire ce que lui veut de toi, c'est-à-dire ce que Dieu lui t'a demandé. Tu peux pas le prier comme toi tu veux le prier, tu dois le prier comme lui veut que toi tu le pries. Tu dois pas croire en lui comme toi tu veux croire en lui, mais tu dois croire en lui comme lui veut que tu crois en lui. Et tu dois te soumettre à lui comme lui te demande de le faire, et croire en ses messagers comme il te demande de le faire, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que de dire que pas besoin d'une religion pour croire en Dieu, c'est parce que la personne qui dit ça, elle connaît pas la religion. Et aussi une autre raison pour ça, c'est parce que les gens ils ont été mélangés par rapport au fait que beaucoup de gens suivent des religions qui ont été falsifiées, comme les chrétiens, les juifs. Et ceux qui sont dans les différentes sectes de ces religions-là, ils sont dans des religions qui ont été falsifiées par les gens, hein. Et donc, étant donné qu'ils sont tous mélangés, que chacun se contredit avec les autres, il n'y a personne qui est capable de distinguer qu'est-ce qui est vrai et faux dans ces religions-là. Donc, tout le monde se dit, pas besoin de religion. On va faire comme on pense ou comme on veut. Il y en a qui vont dire, on va prendre la Bible. Hein, puis on va lire comme on comprend, puis on va l'appliquer tel quel, hein, selon sa propre compréhension. Et c'est pour ça qu'il y a plein de religions. Parce que chacun, il lit la Bible, comprend la Bible de sa façon. Déjà, le livre, il est falsifié, il y a des changements dedans. Et toi, tu le prends, chaque personne le prend, il le lit, il le comprend de façon différente. Chaque fois, il y en a un nouveau qui arrive avec une nouvelle secte. À chaque fois. Hein. Donc ça, c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Donc, la religion d'Allah, c'est une seule religion. C'est pas 10, 15, 20, 30, 40, 50. Une seule religion. Et à l'intérieur de l'islam, c'est une seule voie. C'est la sunna. Hein? C'est la voie des salafs que tu dois suivre. L'exemple des sahaba et ceux qui les ont suivis. C'est un seul islam. Il n'y a pas différents islams. Une fois que tu es rentré dans l'islam, parmi toutes les religions, il y a une seule religion qui est vraie, c'est l'islam. Une fois que tu es rentré dans l'islam, à l'intérieur de l'islam, il y a une seule voie à suivre pour arriver à Allah. Pas 10, 15, 20, hein, sectes, groupes, associations, organisations, il y a une seule voie, c'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des premiers musulmans, les Sahaba et ceux qui les ont suivis, les Tabi'in et ainsi de suite. Hein. Si tu dévies de ça, tu es pas sur la voie d'Allah. Si tu dévies de ça, tu n'es pas sur la voie d'Allah. Tu ne peux pas adorer Allah puis tu dis, moi je suis musulman mais je suis soufi, ou je suis chi'i, ou je suis rafidi, ou khariji, ou takfiri, ou qutbi, ou ainsi de suite parmi les différentes sectes. Parce que Allah n'accepte pas les sectes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Hein? Ne soyez pas parmi les idolâtres ou les mushrikines, ceux qui font le shirk, parmi ceux qui ont yani, divisé leur religion. Ils sont devenus des sectes. Chaque parti sont heureux et se réjouissent de ce qu'ils possèdent. Hein? Ils divisent la religion en parties et chacun se tire un morceau. Et puis chacun se réjouit de ce qu'il a et il pense que c'est ça la religion. Non, tu dois prendre la religion au complet et l'accepter en entier et ne pas te diviser sur ta religion. Et c'est ça la vérité, c'est ça la voie à suivre. Donc, tu as besoin d'une religion pour adorer Allah, mais pour savoir cette religion-là, il faut que tu te réfères à la révélation qui est authentique. Donc, il faut que tu te réfères à ce que Allah a révélé comme Coran, dans son Coran. Les autres livres précédents, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça, c'est pas des révélations de Dieu. Parce que le Nouveau Testament, il y a plein de livres dedans. Il n'y a pas un livre. Et c'est qui les a écrits, ces livres-là? On ne sait même pas. Et c'est qui les a rassemblés? On ne sait même pas. Et la plupart sont même pas dans la langue originale des gens qui ont parlé la langue des prophètes à l'époque, comme Jésus, alayhi salam, il parlait l'araméen. Combien de ces textes-là aujourd'hui, des textes, des manuscrits que les chrétiens possèdent aujourd'hui qui sont écrits en araméen? La plupart de leurs manuscrits sont en grec, ils ne sont pas en araméen. Et il y en a en araméen, mais c'est un peu, yani, de certains des écrits, mais la plupart sont tous en grec. Donc ça veut dire qu'il y a une traduction. Et la traduction, on sait que quand on traduit, hein, on perd de la signification, on change de la signification. Donc, ils n'ont pas de texte authentique. Il y a 14 des livres du Nouveau Testament, c'est écrit par Paul. Hein? Toutes les lettres aux apôtres, les lettres aux Corinthiens, les lettres à Timothée, les lettres à ci et à ça, il y en a toutes ces lettres-là, c'est des lettres que Paul a écrites à différents groupes chrétiens qui existaient à l'époque. Hein? Donc, ça, ce n'est pas une révélation divine. Paul n'était pas un prophète. Hein? Il est venu après Isa alayhi salam, il n'a jamais rencontré Isa alayhi salam, hein? Et il est venu, il s'est improvisé lui-même, étant donné qu'il avait la connaissance de la religion juive, parce qu'il a étudié avec le plus grand rabbin de son époque, et en même temps il avait la nationalité romaine, et il avait étudié la loi romaine, hein? Paul, oui, il était juif, et en plus il avait la nationalité romaine. Et il a étudié avec le plus grand rabbin de son époque, et il a étudié la loi romaine aussi, le droit romain. Donc ça veut dire qu'il avait une connaissance, c'était un homme éduqué, c'est quelqu'un qui avait de la connaissance. Il connaissait aussi des trucs de la philosophie et autres. Donc c'est quelqu'un qui était très éduqué, et c'est pour ça qu'il a égaré beaucoup de gens. Et il a inventé une nouvelle religion que Jésus n'a jamais enseignée. Hein? Et à partir de lui, c'est là que l'égarement s'est propagé et a commencé à dévier encore plus. Parce qu'à la base, Isa alayhi salam, son message n'était pas pour tous les peuples. Même dans l'évangile, on attribue cette parole-là à Jésus. On dit qu'il a dit « Je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël ». C'est-à-dire, et même dans le Coran, c'est confirmé parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est envoyé qu'il est un prophète parmi les prophètes de Bani Israël, et qu'il est envoyé pour Bani Israël seulement, pas pour tous les peuples. Hein? Parce que tous les prophètes qui sont envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont envoyés à un peuple en particulier seulement. Tandis que le dernier des prophètes, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui est envoyé à tous les êtres humains en même temps. Hein? Donc, ça c'est sur le plan de la révélation. La Bible, elle n'est pas intacte. Et en particulier le Nouveau Testament, ce n'est pas une révélation divine. Il y a des choses que ça vient de Jésus peut-être, mais il y a des choses qui sont mélangées avec des paroles de d'autres personnes. Les quatre apôtres qui ont écrit les évangiles, ce n'est même pas les quatre apôtres qui sont attribués ou mentionnés dans les évangiles. Ce n'est pas les quatre apôtres. Hein, Marc, Jean, Luc et Matthieu, ce n'est pas les quatre apôtres. C'est d'autres personnes qui sont venus après, qui ont écrit ça. Et c'est pas des témoins. La plupart, c'est pas des témoins oculaires. Luc lui-même, dans l'introduction de son évangile, il dit, hein, qu'il a eu des témoignages des gens qui ont été témoins, soi-disant. Donc lui-même, il n'était pas témoin. Hein? Donc c'est pour dire que c'est des recueils de témoignages que les gens ont pris. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des contradictions entre les évangiles et des divergences. Hein? Et le dogme chrétien tel qu'il est connu aujourd'hui, il n'est pas apparu avant 325 après Jésus. 325 après Jésus. Et celui qui a organisé le dogme chrétien tel qu'il est aujourd'hui, c'était l'empereur Constantin. C'était le premier empereur chrétien. Le premier empereur à avoir accepté la religion, soi-disant chrétienne, comme religion de l'État, religion dans l'État. Malgré qu'il était lui-même un païen, c'est-à-dire qu'il adorait des idoles, comme les Romains, ils adoraient Jupiter, ils adoraient tous les autres dieux qu'ils avaient inventés avec les statues et les étoiles et tout ça, ils adoraient ça. Hein? Et ils ont hérité ça des Grecs. Donc, eux, ils avaient des temples pour leurs dieux, puis ils adoraient ces dieux-là. Hein? Il ne croyait pas en un Dieu unique. Et lui, Constantin, malgré qu'il a dit la religion chrétienne c'est la religion de l'État, jusqu'à son lit de mort, il est resté idolâtre toute sa vie. Hein? Et il a fait même, on dit qu'il a fait bouillir sa femme vivante. Il l'a mis dans l'eau bouillante, il l'a tué comme ça. Il a même tué son fils aussi. Donc c'était un homme très égaré. À un moment donné, il a réuni tous les évêques chrétiens il les a fait toutes se réunir ensemble, et il n'était pas encore soi-disant converti au christianisme. Il les a tous réunis ensemble, puis il leur a dit quoi? Vous allez tous vous mettre ensemble, puis vous allez sortir avec une seule croyance pour tous les chrétiens. Parce qu'à l'époque, il y avait chaque chrétien dans différentes régions, ils avaient des différentes croyances, différentes sectes, différents groupes. Il y en a qui croyaient en un Dieu unique, ne croyaient pas en la Trinité. Hein, ils ne croyaient pas que Dieu était trois en un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, ils croyaient qu'il y avait Dieu, le Créateur, puis que Jésus c'était un prophète envoyé par Dieu, comme les musulmans. Hein? Et c'est ça la religion de Jésus. C'est ça le vrai message de Jésus. Mais il y en a d'autres qui ont inventé d'autres croyances, qui les ont mélangées avec les enseignements de Jésus et qui ont rajouté la Trinité puis d'autres trucs comme ça. Et ils se sont tous réunis, donc les évêques, puis ils ont fait une discussion sur ça pour savoir c'était quoi, ça allait être quoi leur croyance. Et là, il y en avait beaucoup de conflits, beaucoup de débats, il y en avait beaucoup de désaccords. Puis ils ont fait un vote. Hein, ça, c'est la religion démocratique, Yanni. Que tu crois, tu vas choisir la religion par vote. Yanni, Allah, understand. C'est comme si tu vas dire, on va choisir des formules de maths par vote. 1 plus 1 égale 2 ou 3. Hein? Et puis là, on va voter. Celui qui dit la majorité, si on dit que ça vaut 3, hein, ça va devenir 3. Hein? Ajib. Si c'était comme ça que ça marche, là, on ne pouvait rien calculer aujourd'hui. Hein? Donc, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas être démocratique. Et parmi elles, il y a la religion, Yanni. Puisque la religion, ça vient d'Allah. On ne peut pas choisir ça par vote. Mais malheureusement, eux, étant donné qu'ils n'avaient pas la guidance, ils ne savaient pas ça. Eh bien, ils ont fait des votes pour déterminer ça allait être quoi la religion du christianisme, la croyance du christianisme. Et ceux qui ont gagné le vote, c'était les gens qui croyaient en la Trinité. Et c'est pour ça que la Trinité est devenue la croyance des chrétiens et c'est devenu le dogme de l'Église. L'empereur romain qui existait à l'époque, il a été maintenant remplacé par la suite par le pape. Et donc, le pape avait le même rôle que, en fait, l'empereur romain. Hein? C'est pour ça qu'on dit que l'Église catholique, en fait, a été une prolongation de l'Empire romain. Hein? Et ça s'est propagé partout en Europe, parce que dans les différents pays d'Europe, avant le christianisme, en France, par exemple, en Espagne, en Angleterre, tous ces gens-là n'étaient pas chrétiens. Des gens qui croyaient en des esprits, en de la sorcellerie, en ils adoraient des djinns, hein? Donc, ils étaient divisés en tribus, hein? Les Celtes, les Gaulois, hein? Et il y a plein d'autres tribus comme ça en Europe. Ils avaient tous des religions de shirk. Ils faisaient du sihr. Ils adoraient toutes sortes de choses. Ils habitaient dans les forêts, dans les grottes, en Angleterre. C'est connu, ça. Hein? Et c'est après qu'ils sont devenus chrétiens. Ils ont été convertis au christianisme. Mais ils ont gardé, ils ont mélangé le christianisme avec toutes ces autres croyances qu'ils avaient avant. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé les affaires de comme on dit, les saints, l'adoration des saints, les pèlerinages au lieu saint, des choses comme ça. Comme les Haïtiens, par exemple, en Haïti, quand ils ont accepté la religion chrétienne, beaucoup d'Africains esclaves qui étaient venus en Haïti, beaucoup d'entre eux, c'était des gens qui adoraient des esprits, des djinns, autre chose que Allah. Hein? Et quand les chrétiens sont venus, ils les ont pris et les ont forcés à devenir des catholiques, par la force. Eux, les esclaves, ne voulaient pas devenir nécessairement chrétiens, mais si on les attrapait en train de pratiquer une religion autre que le christianisme, ils allaient être tués. Hein? Ils allaient être tués. Le Code noir, ça c'est une loi qui existait dans les Antilles, que le roi de France avait établi comme loi pour toutes les îles du royaume de la France, que tous les esclaves devaient être convertis à la religion du christianisme. Et que si un esclave pratiquait ou était attrapé en train de pratiquer une autre religion que le christianisme, ils étaient tués, exécutés. Donc les esclaves, ils ont trouvé une ruse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un moyen pour pratiquer leur ancienne croyance de shirk et le mélanger avec un autre shirk, le shirk de la religion chrétienne. Donc ils ont pris les saints chrétiens, ils ont mélangé, ils ont donné à chaque nom des lois ou des djinns qu'ils adoraient, ils ont donné un nom d'un saint catholique. Et donc la religion catholique et la religion des vaudous est devenue mélangée et c'est devenu la même chose. C'est pour ça que tu vois qu'en Haïti, tout le monde, la plupart des gens sont des vaudouisants, même s'ils pratiquent la religion chrétienne. Hein? Il y en a qui condamnent ça parmi les protestants parfois, ou parmi les catholiques aussi, mais malgré tout, ça reste dans l'âme du peuple, le folklore, les gens restent avec ces croyances de shirk. Hein? C'est normal, parce que le christianisme à la base est basé sur le shirk. Hein? Et des fois, bon, j'avais acheté des livres sur le voodooisme pour étudier ça, pour voir comment c'est structuré, pour comprendre un peu comment ça marche. Et tu vois, dans l'introduction de certains livres, les auteurs qui écrivaient là-dessus, ils disaient le voodooisme, c'est comme une religion, comme le christianisme. Et ils essayaient donc de défendre le voodooisme en disant que dans le christianisme, il y a des anges, il y a des trucs, puis il y a des saints. Donc dans le voodooisme, c'est la même chose. Et donc, il prend un shirk pour justifier un autre shirk, en voulant dire, eux, ils font ça, donc nous aussi, on peut le faire. Alors que la religion des prophètes, c'est de rejeter tout ça, et d'adorer Allah seul. Hein? Donc ça, c'est des exemples, bien, pour vous faire comprendre que la plupart des croyances des catholiques ou des chrétiens, même des protestants, leur dogme, leur théologie, leur croyance, elle est basée pas sur la révélation de Dieu. Il est basé sur des trucs que les êtres humains, c'est eux qui les ont inventés. Et c'est pour ça qu'ils sont tous divisés et qu'ils ont tous des égarements. Hein? Et la même chose pour les juifs. Hein? Leur juif, il a été, leur livre, il a été falsifié, changé, il y a plein de choses qui sont rajoutées, il y a des trucs comme ça, hein, qu'ils suivent. Et il n'y a pas d'authenticité réelle dans leur texte. Donc c'est pour ça que à la fin, tu te retrouves avec des religions qui sont pas solides, hein, et qui sont pas vraies. C'est pour ça que les gens ils disent t'as pas besoin d'une religion pour adorer Dieu, hein, ou bien t'as pas besoin d'aller à l'église pour prier Dieu ou des choses comme ça. Donc chacun il fait sa propre religion. Et tu vas voir qu'en général, bon, vous le savez parce que vous êtes tous la plupart nés ici, mais peut-être chez les gens qui sont nés dans les pays musulmans, ils sont pas au courant que c'est comme ça que ça se passe dans la société ici. Mais en réalité, ici, par exemple au Québec ou en Europe, chaque chrétien, il a sa propre religion dans sa tête. Il s'est fabriqué sa propre religion. Il a pris un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, puis à la fin, il s'est fait sa propre religion. Et si tu compares ce qu'il dit, lui, avec qu'est-ce que les textes de la religion enseignent, c'est deux choses différentes. Il sait même pas c'est quoi sa religion, de toute façon. Hein? Tu vois, par exemple, bon, juste pour dire, dans la famille de ma mère, qui sont des Québécois d'origine, il y en a parmi eux, par exemple, ils se disent chrétiens, catholiques, baptisés. Mais après, ils croient, par exemple, en des extraterrestres. Il y en a d'autres qui croient en les esprits des morts. Ils disent, ouais, ben, les gens qui sont morts dans ma famille, je peux les prier, je peux leur demander de m'aider, ils vont venir m'aider. Hein? Si elle a une sœur, ou un père, ou une mère, ou un grand-père qui est mort, elle le prie. Elle dit, oh, aide-moi, viens faire, mais elle pense que ces choses-là les aident. Et il y en a d'autres qui croient en toutes sortes d'autres affaires bizarres. Malgré tout, ils se croient chrétiens. Donc ça, c'est très important de comprendre ça et de savoir ça pour être capable, justement, de clarifier la croyance aux gens, surtout lorsque tu leur parles et tu veux les appeler à l'islam. Tu dois pas juste parler comme une cassette qui répète des choses sans essayer d'analyser la situation de la personne à qui tu parles. Hein? C'est pas tout le monde qui sont dans le même état, dans la même religion, dans la même croyance. Même s'il dit qu'il est chrétien, ça veut pas dire qu'il est réellement chrétien dans la croyance. Peut-être qu'il est juste chrétien de nom. Donc, tu veux lui faire da'wah, tu dois connaître sa religion. Tu dois connaître sa croyance, c'est obligatoire. Tu dois connaître non seulement toi, ta religion, ton tawhid, ta aqidah comme il faut, et avoir des bases solides là-dedans, mais il faut aussi savoir sa croyance à lui, c'est quoi. Si c'est quelqu'un qui est athée, hein, qui ne croit pas en un Dieu ou qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu, il faut connaître la source de son athéisme. Et c'est quoi son athéisme? Il y a différentes sortes d'athées. Hein? Il y a différentes sortes d'athées. Donc tu dois savoir c'est quoi lui, c'est quoi sa sorte, et c'est où est-ce qu'elle est sa choubha. C'est quoi son ambiguïté par rapport à la religion, par rapport à la foi. C'est quoi son problème? Pour que tu puisses lui clarifier sa choubha et le ramener la foi dans sa compréhension de la foi, qu'est-ce que c'est, pour que par la permission d'Allah, Allah le guide à la foi par la suite. Mais tout ça, c'est des choses importantes à comprendre et à savoir. Et quand tu sais que l'islam, le Coran, il est préservé, révélé, préservé par Allah, et qu'il est tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sais que la sunna, elle a été révélée et préservée dans son authenticité aussi, la même chose, jusqu'à notre époque, donc tu sais que la religion d'Allah, elle est claire. Même s'il y en a des gens qui, parmi les musulmans, sont mélangés et sont divisés, mais toi, si tu retournes aux sources et aux bases, et que tu ramènes les choses au Coran et à la sunna, et à la compréhension des premiers musulmans, tu ne vas pas t'égarer. Et tu vas comprendre qu'il y a une religion à suivre, pas deux, pas trois, pas quatre, pas dix, et ainsi de suite. Hein? Donc ça, c'est très important. Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour comprendre bien comme il faut les choses. Donc, le cheikh, il dit, donc, ensuite, tu dois connaître ton prophète, c'est qui? Donc, tu dois connaître ton Seigneur, tu dois connaître sa religion, et tu dois connaître son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier d'entre les prophètes. Tu dois connaître les autres aussi, mais lui en particulier, puisque c'est le dernier. C'est lui qui a conclu le message de tous les autres prophètes qui sont venus avant lui. Donc ça, c'est très très important et c'est fondamental. Parce que tu peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans connaître ton prophète et sans connaître la façon dont il t'a enseigné de l'adorer. Et c'est l'exemple qu'il t'a demandé, que Allah t'a ordonné de suivre. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, le cheikh, il explique maintenant à l'usul al-salata. Je pense que on peut s'arrêter ici. Puis, au prochain cours, inshallah, on commence directement avec le texte de l'usul al-salata comme ça. Yani, on commence à 9 le prochain cours. D'accord? Si ça vous dérange pas, inshallah, c'est correct comme ça. Donc pour terminer, on va s'arrêter ici comme ça, mais en même temps, je vous rappelle puisque on est dans les 10 derniers jours. Donc on essaie de faire plus d'efforts dans ces 10 derniers jours-là que dans le reste du Ramadan. Déjà dans le Ramadan, on fait plus d'efforts que d'habitude, hein. Eh bien, on essaie dans les 10 derniers jours de faire encore plus d'efforts que qu'est-ce qu'on faisait au début du Ramadan, parce que c'est la fin, donc de finir en beauté. Et si on a eu des manquements ou des négligences dans les premiers jours, qu'on n'a pas fait notre maximum, on essaie de finir en beauté en ajoutant plus d'efforts pour faire plus d'adoration, réciter plus le Coran, faire plus d'actes de piété. Puis, même si on a eu des négligences ou de la paresse dans le début, bien, on se rachète, Inch'Allah, par les derniers jours qui nous restent, pour essayer de faire plus d'efforts possibles, pour être meilleur, Inch'Allah, que Allah nous pardonne nos péchés, et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Hein? Amin. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.